encore. Le désir est plus fort que nous. Nous fabriquons en vain l'image sacrée. Les simples pas de notre bouche. Le désir est plus fort que nous. Nous fabriquons avant l'image sacrée. Le simple verbe de notre bouche. Le désir est plus fort que nous. Nous fabriquons avant l'image sacrée. Les cinq coupables de notre bouche.